aussi, ça a été un énorme tube, on est bien bien d'accord. Il est 18h aux Andely, tout de suite, un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Un troisième corps, celui d'un homme, a été découvert dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés hier dans le centre-ville de Marseille. Deux corps, ceux d'un homme et d'une femme, avaient été retrouvés ce matin et en début d'après-midi. D'autres victimes pourraient encore être ensevelies sous les gravats des trois bâtiments déblayés minutieusement et à la pelle, selon le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les autorités tentaient en effet de retrouver 5 habitants du 65 rue d'Aubagne manquant à la pelle, ainsi que 3 personnes qui auraient pu être invitées dans l'immeuble. La principale organisation du secteur hôtellerie-restaurant en France a assigné Airbnb devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie estime que la plateforme de location touristique viole sciemment la réglementation qui régit son activité. La société Airbnb est accusée de laisser en ligne des annonces litigieuses. Une première audience consacrée à la procédure se tiendra le 14 février 2019. L'organisation demande à titre symbolique en réparation du préjudice moral une condamnation de 143 euros. L'Assemblée nationale a marqué aujourd'hui symboliquement à 15h35 le moment où les Françaises travaillent gratuitement compte tenu des écarts de salaire avec les hommes. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a affirmé que le combat continue. C'est illégal depuis la loi du 22 décembre 1972, a-t-il ajouté sous les applaudissements debout d'une grande partie des députés. L'écart de salaire entre hommes et femmes est de 9% à travail égal et de 25% sur l'ensemble de la carrière, selon des chiffres publiés par le ministère du Travail. Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les mid-term, une série de scrutins nationaux et locaux organisés 2 ans après la victoire de Donald Trump. Ces élections de mi-mandat pourraient, comme c'est très souvent le cas, se transformer en référendum contre l'occupant de la Maison Blanche. Les démocrates sont donnés en tête des intentions de vote d'après une étude publiée par CNN hier et réalisée par l'Institut SSRS avec 55% contre 42% pour le camp républicain. Enfin, l'écrivain Pierre Guyotat a reçu aujourd'hui le prix Médicis pour Idiotie, publié chez Grasset, récit du passage à l'âge adulte d'un des écrivains français les plus subversifs. Pierre Guyotat avait déjà reçu lundi le prix spécial du jury du prix Femina pour l'ensemble de son œuvre. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, un petit Dadju Lyon et tout de suite Nicky Jam Will Smith avec un live hit up. L'After School, l'After School d'espace. Where I'm coming from, Every nation under the sun, elevating their favorite son when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer, elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire ou femme mariée. Ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Terminé, elle agit, elle ne parle pas, y en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui a chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Sur la 28 entre Rouen et Neuchâtel-en-Bray, à l'instant dans les camions comme dans les voitures, c'était Dadju avec un Lyon. N'appelez plus hein, pour les places de la Saint-Romain de Rouen, à chaque fois c'est un carton. Mais alors rassurez, chez nous on a plein de demandes, mais uniquement lorsqu'on vous invite à composer le 0 950 35 50 50 18h10 dans 3 minutes. Shawn Mendes. Espace, espace. Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 et accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Appartement, maison ou terrain ? L'Immobilière Normande vous offre une évaluation de votre bien. Alors n'hésitez plus et contactez l'une de nos 8 agences. Il y a forcément une agence L'Immobilière Normande près de chez vous. Numéro de téléphone 02 32 40 19 90. Salon Elle Esthétique, le bien-être à votre porte. Entrez dans un monde de détente, de calme et de soins bio. Lucie s'occupe de vous, de votre confort avec des produits de qualité certifiés biologiques. Épilation, soins du visage, du corps, maquillage, manucure pour hommes et femmes. Prenez du temps, Lucie en a pour vous. Salon Elle Esthétique, 3 rue Saint-Jacques au Petit Andely, 09 82 23 66 10. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans l'une des 4 agences à votre service. Brunel Pneus Profil Plus, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Gournay-en-Bray et Incarville. Plus d'infos, 02 32 49 01 22. Conditions sur profilplus.fr. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64, www.monsieurrécup.fr. Du jeudi 29 novembre au samedi midi 1er décembre, la Normandie accueille les finales nationales des Olympiades des métiers au Parc des Expos de Caen. Venez encourager les 700 jeunes en compétition. L'occasion de découvrir plus de 50 métiers. De A comme art floral à W comme web design. Vous pourrez aussi tester ces métiers et vous renseigner sur toutes les formations. L'entrée est gratuite. Plus d'infos sur olympiade.normandie.fr. Un événement organisé par la région Normandie WorldSkills France en partenariat avec l'Union Européenne, la ville de Caen et l'Académie. Funky Mix. Ce soir, 21h-23h. C'est Funky Mix, l'émission numéro 1 sur le funk. Sur Espace. Le salon Made in France, c'est au Vaudreuil, au pavillon des Aulnes, les samedis 10 et dimanche 11 novembre de 10h à 18h. Un salon pour consommer mieux, français et local. Pour découvrir des produits de qualité fabriqués en France et le savoir-faire de ses exposants dans différents domaines comme la gastronomie, la mode, la décoration, le loisir, l'automobile et bien d'autres encore. Entrée gratuite. Plus de renseignements sur le site www.levaudreuil.fr. Maintenant, Espace Vexin, Pays de Bray, 101.3. Priorité au tube. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. My

Bonsoir tout le monde, c'est mardi le 6 novembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec un programme chargé du côté de Rouen. Ce soir, ça débute à la librairie L'Armitière dès 18h pour la rencontre avec François Roux. Ensuite, à 19h, rendez-vous à la cave pour l'œnologie dans un lieu atypique. Ça se passe au 39 rue aux Ours. Toujours à la même heure, au musée des Beaux-Arts, Zaouki, la substance et le vide. Et à 19h30, au Kind Arena, Rouen, SPO et la Romagne, SS. À 20h également, du côté de la patinoire Boissière, Rouen-Salzbourg et du côté du Kind Arena, à nouveau, ce sera Rouen-Cholet. Et puis, au théâtre des Deux-Rives, l'âge bête en spectacle. Voilà ce qui vous attend ce soir à Rouen. Sans oublier, au Zénith, dès 20h, le grand concert d'MC Solar, c'est complet. Donc, profitez-en si vous avez vos places. Ce samedi 10 novembre, du côté d'Honfleur, un rendez-vous à 14h30 au Grenier à Sel pour la grande dictée avec Jean-Pierre Collignon. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 02 31 81 80 800. Laissez-nous vos messages au 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Les piqueurs à l'instant, c'était Dimitri Vegas Like Mike avec un OBA. Maintenant, à 18h24, je vous envoie 6 minutes de son 80 en mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. Funky Mix. Je les ai pas oubliés. Les Classic Dance. We'll be right back. l'instant, c'était Deodato avec un Fire in the Sky sur la plus normande des Picardonnées Radio. Très bonne soirée. Merci de nous écouter par dizaines de milliers chaque semaine. Je vous rappelle qu'on vous offre des passes VIP Saint-Romain jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Soyez attentifs pour l'instant, 18h31. Tout de suite, l'info locale et régionale. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Hier soir, un motard a trouvé la mort à Petit-Couronne. L'homme de 34 ans sans casque et sans phare voulait tester la motocross qu'il venait de réparer. Ses amis le suivaient à bord d'une voiture pour lui faire de la lumière sur un axe peu éclairé. Lors d'un demi-tour, le pilote n'aurait pas contrôlé cet engin non homologué pour la route. Hier, deux hommes suspectés d'avoir participé à la violente agression homophobe survenue à Arvan le 25 octobre dernier ont été interpellés. Les deux suspects, dont un serait déjà connu de la justice, sont âgés de 26 et 30 ans et habitent l'agglomération rouennaise. Hier soir, à Biorel, un homme de 37 ans a poignardé dans le dos à plusieurs reprises son père devant les yeux de sa mère. Ce sont des voisins qui sont intervenus et ont prévenu les secours. Gravement blessé, l'homme âgé de 71 ans a été transporté au CHU de Rouen. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les policiers ont ensuite interpellé son fils. Il a été placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur serait bipolaire et souffrirait de schizophrénie. La Grainterie d'Aumale a été cambriolée la nuit dernière. De l'outillage et des vêtements ont été dérobés dans cette entreprise spécialisée dans l'univers de la jardinerie et de l'alimentation animale. Un véhicule suspect a été signalé aux gendarmes. Un incendie s'est déclaré cet après-midi dans deux bâtiments agricoles de Fréquienne, près de Rouen. La totalité de la charpente d'un hangar de 500 mètres carrés s'est effondrée. À l'intérieur, une cinquantaine de balles de foin et de paille. Le second bâtiment abritait une dizaine de stères de bois. Froneri détruit 317 emplois, c'est le message que l'on peut lire depuis hier sur un écran publicitaire LED à Beauvais, à l'angle de l'avenue Blaise Pascal et de la rue Charles Tellier, alors que doit se tenir ce mercredi les premières négociations avec la direction. À l'initiative, le comité d'entreprise, ce geste a pour but de sensibiliser à nouveau les habitants sur le sort des employés du fabricant de crème glacée. Pour rappel, le site de Beauvais doit fermer à l'orée 2019, 317 emplois sont donc menacés. Pendant un an et demi, Alexis Fraisse, un conseiller municipal écologiste de Louviers qui ne se déplace qu'à vélo, a ramassé les canettes de bière et de soda qu'il trouvait sur son passage. Au total, il a récupéré 70 kilos de canettes qu'il a revendues ensuite à l'entreprise de recyclage GDE à Louviers. 30 kilos de canettes en alu et 40 kilos de canettes en acier. Ça a fait environ 21,50 €. Ces canettes en acier et en aluminium sont broyées et refondues pour faire des câbles, des plaques d'aluminium ou encore des pièces automobiles. C'est toutefois un triste constat que dire Alexis Fraisse. Ah, le bilan, des fois un peu de désespoir. Je me suis limité aux canettes métalliques, mais j'aurais pu ramasser les canettes en verre, les paquets de cigarettes, les bouteilles en plastique. Mais bon, mes sacoches de vélo sont pas assez grandes. Donc je me dis, bon, tant qu'à faire, je sélectionne ce qu'on peut après valoriser. Même recycler, c'est pas la panacée. On a quand même trop de déchets. On est tous coupables, autant l'industriel que le consommateur. Parce que l'industriel le fabrique parce que le consommateur l'achète. Mais ce serait aussi au consommateur de, entre guillemets, d'essayer de boycotter un peu le produit emballé sur emballé, quoi. C'est le message pour dire aux collectivités, essayer de mieux les recycler, ces canettes, par exemple en ayant un tri sélectif dans les espaces publics. Est-ce qu'on a besoin de jeter un emballage en aluminium ou en acier, quoi? Est-ce qu'on peut pas boire dans une gourde qu'on remplit, dans des gobelets qu'on lave? Et puis en hockey sur glace, les Dragons de Rouen reçoivent ce soir les Allemands de Salzbourg pour le 8e de finale aller de la Champions League. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, c'est un ciel qui va hésiter entre averse et éclaircie. Le thermomètre affichera 12 degrés au meilleur de la journée sur le Beauvaisis ou encore le Pays de Bray, 13 degrés sur le Neubourg, Bernay et le Vexin normand et 14 degrés sur la métropole Rouen-Normandie, Louviers ou encore Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Aujourd'hui, j'ai une très bonne qualité de l'air, j'ai 3 sur 10 partout, température moyenne 11 à 12 degrés à l'heure où je vous parle. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un Dan Balan. What's up? That new my new. ready to drop. I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all that. Oh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm. We just a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. Fresh wine, yeah. Be la plus bonne, bonne, bonne de mes copines.

be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone. Excellent, Shotgun à l'instant avec Georges Ezra à Vaccueil, avec un très très beau château et de très belles orchidées en ce moment. 18h52, trois nouveaux messages provenant de Dangu, Aubevoie, Val d'Azé et de Château-sur-Epte. Bonjour, Nathalie Caillot, maire de Château-sur-Epte. Nous organisons un spectacle son et lumière le samedi 10 novembre 2018 à 19h sur la muraille du château, retraçant la grande guerre de 14-18. Cet événement sera clôturé par un feu d'artifice. Merci, 06 68 60 37 04. Au revoir. Bonjour, l'amicale du personnel de la mairie d'Aubevoie, le Val d'Azé, organise sa bourse aux jouets et à l'appui agriculture dimanche 11 novembre à l'espace culturel d'Aubevoie, le Val d'Azé de 9h à 18h. Nous vous attendons nombreux. Au revoir. Comité des fêtes de Dangu organise à la maison du village une bourse aux jouets et vêtements de ski le dimanche 18 novembre de 10h à 17h. Pour les exposants, chaque table de 2,40 m environ est proposée au prix de 8 euros. Vous pouvez réserver votre stand au 06 11 64 18 41 pour la bourse aux jouets et vêtements de ski dimanche 18 novembre à Dangu. Never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your baby. You left your mom. Reminding me to forget. You left your baby. You left your mom. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core. Still still healing, and I know you're no good for me. So I try to forget the memories, 'cause baby it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I've got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. I told you, save it, it's over, and I'll be alright. So hurt me as much as you like. I need you to let go. I got things we're meant to, but I'll be alright. Yeah. Baby, it hits so hard. Jolie voix. À l'instant, Kaigo and Miguel. C'était Remind Me to Forget sur la plus normande des Picardos des radios. Bonne soirée. 18h54. Avant 19h, on écoutera un souvenir qui a déjà 15 ans et ça fait un truc comme ça. Un petit dilemme à souvenir juste après la proc télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 6 novembre. Ce soir sur TF1, que de la série Weekend toute la soirée, Good Doctors avec un inédit et New York Unité Spéciale en seconde partie de soirée. Et là aussi des inédits, ça fait quand même un paquet de temps que ça n'était pas arrivé, donc il faut le signaler. France 2, Victor Hugo, Ennemi d'État continue ce soir avec un inédit. Et si vous êtes fan de notre ami Victor, n'hésitez pas, 22h50, un documentaire sur le psychiatre et l'assassin. C'est une sombre affaire qui date de 2008. France 3, la chaîne sort les grands standards du cinéma américain, Independence Day. Attention, n'oubliez pas de faire un petit pipi avant et de prévoir quelques cacahuètes et rations de survie. Aussi quelques boissons, puisque le film dure 2h25 et que sur France 3, il n'y a pas de pause pub. Canal, Good Times avec Robert Pattinson qui joue le rôle d'un déficient mental dans un hôpital. Son frère vient le chercher pour l'aider à braquer une banque. Tout ne va pas se passer comme prévu. Arte, un documentaire sur le New York Times et Donald Trump. C'est un magazine politique où l'on va découvrir les coulisses de ce magazine prestigieux. M6, la France a un incroyable talent. J'ai regardé la semaine dernière pour me faire une idée de cette nouvelle version et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça envoie le pâté. Les jurés sont excellents, les castings également. Non, franchement, je comprends que les audiences soient au rendez-vous. Ils ont réussi à faire renaître cette émission qui était, comment dire, un petit peu dans la mouise. Le meilleur de la TNT, C8, soirée X-Men, le commencement et l'affrontement final, W9, minute par minute, un nouveau magazine et on revient sur les attentats tragiques du 13 novembre, le jour où Paris a été attaqué. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Je me souviens très très bien, c'était les débuts d'Espace. On l'a passé mais très gravement à l'époque. Papi Sanchez, sorti en 2003. Je vous souhaite une très belle soirée. C'est Dorian qui prend le relais. Ciao, à demain 17h. Amor, por ti, yo iré. Sanchez, yo, por ti. sitio hay una relación que ella tiene y mantiene, aunque por mi zona mi pana dice que no funciona. Sé que estás igual cuando me miras, cuando hablamos en persona. Tú nunca ni lo mencionas, no siento envidia de él, sino celos por ti. Soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mardi 6 novembre, il est 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'État va effectuer un audit de l'habitat indigne à Marseille, un diagnostic qui se fera immeuble par immeuble, a promis le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après l'effondrement de plusieurs immeubles dans la ville. Cet audit doit aboutir à un programme ambitieux de préservation des conditions de sécurité avant d'envisager les aménagements nécessaires avec la municipalité de Marseille, a-t-il précisé. Trois corps ont été retrouvés sous les décombres de plusieurs bâtiments vétustes qui se sont écroulés hier dans le quartier populaire de Noailles. Des secours étaient cet après-midi toujours à la recherche de survivants. Emmanuel Macron a visité en compagnie d'une vingtaine de lycéens le village de Fleury de Vendoux-Aumont dans la Meuse, inhabité depuis sa complète destruction durant la bataille de Verdun en 1916. Accompagné de son épouse, Emmanuel Macron est ainsi le premier président de la République à se rendre dans ce village dont le seul bâtiment est une chapelle située à proximité de l'ossuaire de Douaumont à quelques kilomètres de Verdun. La principale organisation du secteur hôtellerie-restauration en France a assigné Airbnb devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie estime que la plateforme de location touristique viole sciemment la réglementation qui régit son activité. La société Airbnb est accusée de laisser en ligne des annonces litigieuses. Une première audience consacrée à la procédure se tiendra le 14 février 2019. L'organisation demande à titre symbolique, en réparation du préjudice moral, une condamnation de 143 euros. Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les mid-terms, une série de scrutins nationaux et locaux organisés deux ans après la victoire de Donald Trump. Ces élections de mi-mandat pourraient, comme c'est très souvent le cas, se transformer en référendum contre l'occupant de la Maison-Blanche. Les démocrates sont donnés en tête des intentions de vote d'après une étude publiée par CNN. Enfin, pour la première fois de la saison, Thomas Tuchel devrait reconduire le même 11 d'une rencontre à l'autre. Selon le Parisien, les joueurs du PSG qui ont débuté contre Lille vendredi devraient être alignés ce soir au stade San Paolo de Naples pour la quatrième journée de Ligue des Champions. Une composition qui se fera donc sans Edinson Cavani ni Adrien Rabiot. Sur la plus normande des radios. Dorian. Vous rentrez du travail ou de l'école, alors il est l'heure de se poser et de se détendre dans l'afterwork. Plus de son, plus de tubes. On débute l'afterwork de ce mardi soir avec The Prince Karma, c'est Later Bêtises. Belle soirée à tous. Ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi.

91.6 Espace Radio. Priorité au tube. Oh,

you 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a group like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a group like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, yeah. Me do what I want. When I come through, I need a group like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. 3, 4, 5, swear stay. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love her off her friends. 3, 4, 5, swear stay. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love her off her friends. Espace, c'est arrivé hier dans l'afterwork. C'était Norum avec Narcissiste. J'espère que tout va bien et préparez déjà votre journée du vendredi 23 novembre pour rester branché à la radio. Entre 8h et 9h le matin, Cédric vous proposera une émission spéciale en direct. Et puis le soir, entre 19h et 21h, pour ma part, je vous retrouverai en direct, toujours avec Louis et Mickaël, pour l'Open Show, émission numéro 3. On va faire du spécial début des fêtes de Noël, etc. Vous verrez tout ça le 23 novembre. Allez, 19h49, voici 4 nouveaux messages provenant de Dangu, d'Aubevoie, de Château-sur-Epte et de Côte-Bec-les-Elbeuf. Écoutez. Bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe d'Espace. Ce jeudi 8 novembre à l'Espace Bourville de Côte-Bec-les-Elbeuf, la municipalité organise son thé dansant avec repas à 12h15, Claude Robert en trio à l'animation. Un rendez-vous à ne pas manquer. Téléphone pour les tarifs et les réservations 02 35 74 64 09. On vous attend nombreux. Bonjour, Nathalie Caillot, maire de Château-sur-Epte. Nous organisons un spectacle son et lumière le samedi 10 novembre 2018 à 19h sur la muraille du château, retraçant la grande guerre de 14-18. Cet événement sera clôturé par un feu d'artifice. Merci, 06 68 60 37 04. Au revoir.

and we're gonna let it burn, burn.